suis un éléphant. Je suis un éléphant. Je suis un éléphant. Qu'a pas de papa, qu'a pas de maman. Qu'a pas de papa, qu'a pas de maman. Je me promène tranquillement. Je me trémousse joyeusement. Dans la savane, je cherche mes rébanes. J'ai glissé sur une peau de banane, peau de banane. Je suis un éléphant. Je rentrerai pas dans le rang. Je rentrerai pas dans le rang. Je suis un éléphant. Je suis un éléphant. Je suis un éléphant. Qu'a pas de papa, qu'a pas de maman. Qu'a pas de papa, qu'a pas de maman. Je me trémousse joyeusement. Perdu dans la savane, je cherche mes rébanes. J'ai glissé sur une peau de banane. Banane. Je suis un éléphant. Je suis un éléphant. Je rentrerai pas dans le rang. Je rentrerai pas dans le rang. Je suis un éléphant. Je suis un papa, qu'a pas de maman. Qu'a pas de papa, qu'a pas de maman. Qu'a pas de papa, qu'a pas de maman.